Ce vendredi, à La Vie en BD, spécial Coup de cœur 2015. Bon vendredi à tous et à toutes. Bonne année 2016. Un plaisir d'être à nouveau avec vous en cette nouvelle année, toujours autour du 9e art à la barre de ce magazine qu'est La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30, évidemment. Et tel que mentionné, un retour en arrière pour aujourd'hui. Question de bien démarrer l'année, question de voir quels titres ont allumé certains collègues, certains camarades et moi-même également. Donc on en parlera au fil de la prochaine heure. Dans quelques instants, on jase avec Pierre Blais, qui est également chroniqueur BD ici à CKRL, entre autres, qui viendra nous présenter ses coups de cœur de 2015. En deuxième partie, il y aura Édouard Tremblay, qui sera le porte-parole des libraires de la librairie Pantoute et qui nous présentera les coups de cœur de son équipe, de ses collègues, toujours autour de la production BD 2015. Et on débordera évidemment, certes, autour de la production BD francophone, mais également vers notamment les comics. Alors, un beau menu pour aujourd'hui, évidemment, une belle année qui s'entame aussi, et une année qui s'entame dans la planète BD sous le signe de la controverse. Vous avez peut-être vu tout ça passer, entre autres, on en a relayé un brin sur le Facebook de l'émission, facebook.com/lavieenbd. C'est qu'au début de l'année, le 5 janvier dernier, en fait, le 43e Festival international de bande dessinée d'Angoulême avait dévoilé la liste des 30 auteurs BD en lice pour le Grand Prix de la ville d'Angoulême, donc la personne qui succédera à Katsuhiro Otomo, qui deviendra de fait président-présidente de l'édition 2017. La liste comprenait entre autres Brian M. Bendis, Christian Binet, Christophe Blain, François Bourgeon, Charles Burns, Pierre Christin, Daniel Klaus, Richard Corben, Cosé, Étienne Davodeau, Nicolas de Crécy, Edica, Carlos Jiménez, Emmanuel Guibert, Herman, Alejandro Jodorowsky, Stan Lee, Milo Manara, Taiyo Matsumoto, Lorenzo Mattotti, Frank Miller, Alan Moore, Kino, Riyad Satouf, Johan Sfar, Bill Sienkiewicz, Jiro Taniguchi, Naomi Urasawa et John Van Ham et Chris Ware. Alors, des auteurs qui devaient être soumis donc au vote de leur père. Et ben, face à ça, il y a eu réaction. On a remarqué, on a souligné du côté d'abord du collectif des créatrices de BD contre le sexisme, qui avait, on vous le rappelle, élaboré au début de l'automne dernier une charte pour dénoncer les aspects du sexisme dans l'univers du 9e art. Donc, c'était indigné d'une discrimination évidente du fait qu'il n'y avait aucune femme, pas une seule, dans la liste des nominés. Alors, on a critiqué la chose, on dénonçait un peu cette situation. Évidemment, cette dénonciation a été également endossé par d'autres auteurs, certains des nominés qui ont choisi également de l'appuyer en retirant leur nomination. Face à la controverse, le Festival d'Angoulême a dit, regardez, on va modifier la liste, on va prendre les 30, mais on va en rajouter un certain nombre, 6 femmes, à cette liste de 30, pour essayer de rectifier la situation. Donc, ils ont rajouté à ce moment-là Linda Barry, Julie Doucet, Moto Agio, Chantal Montelier, Marjane Satrapi et Posy Simmons. Donc, question de balancer les choses. Finalement, les discussions sont tout de même poursuivies. Il y a des critiques, évidemment, face au fonctionnement du festival, des critiques qui ne datent pas, d'ailleurs, de cette controverse de manière générale. Alors, finalement, face aux accusations de sexisme, face à la situation, plutôt que d'offrir aux auteurs la liste modifiée, donc à laquelle ils avaient ajouté 6 auteurs aux 30 hommes qui étaient nominés, eh bien, ils ont choisi finalement de tout simplement abandonné la notion de liste pour le vote, pour accompagner le vote. Donc, on n'ajoute plus 6 femmes, on ne propose plus 30 hommes non plus, et le festival soumet désormais, j'ouvre les guillemets, au libre arbitre absolu des auteurs l'élection du lauréat ou de la lauréate, et ce, dès cette édition 2016. Aucune liste de noms de créateurs créatrices du 9e art ne sera par conséquent proposée à leur vote, et il leur reviendra de choisir en toute liberté le nom du confrère ou de la consoeur qu'il ou elle souhaite élire en tant que grand prix. Et on dit que le festival espère ainsi que le processus d'évolution en cours de féminisation de la création dans le domaine de la bande dessinée trouvera, au moment que les auteurs, jugeront opportun, une forme de reconnaissance via ce grand prix. Alors voilà un peu l'état des lieux, et maintenant c'est un peu sous ces auspices que le vote du premier tour par les auteurs a commencé. Alors c'est toujours le même système, donc dans la mesure où les gens peuvent simplement aller voter, ils ont 8 jours pour boucler le premier tour. On verra qu'est-ce qui en ressortira. Et parallèlement, ben il y en a d'autres qui ont profité aussi pour souligner, pour poursuivre un peu la protestation. En parallèle, d'autres prix, en fait notamment le prix Charlie de liberté d'expression qui avait été donné pour la première fois l'an dernier, qui ne sera pas reconduit cette année. Et Yann Lindingre, en fait rédacteur en chef de Fluide Glacial, a annoncé de son côté la création, en collaboration avec le Off Off Off, le festival Off de la BD d'Angoulême, un prix couille au cul qui récompense les dessinateurs qui défendent la liberté d'expression avec humour, donc l'idée de l'offrir en mode off. Et on a annoncé d'ores et déjà, en réponse à l'autre controverse, que le premier lauréat de ce prix serait une femme. Voilà, petit extrait de l'album Blood, Sweat and Christopher Tom, de Christopher Tom, un extrait qui s'appelle No More Sleep. Ce sera d'ailleurs la trame sonore qui nous accompagnera tout au fil de cette édition de La Vie en BD. Et on commence ce regard en arrière, ces coups de cœur 2015 avec nous en studio. Collègue ici à CKRL, chroniqueur BD à l'émission du matin, Les Matins Éphémères. Une voix également que vous associez à l'univers du 9e art, entre autres pour une émission les mardis soirs ici à CKRL. Du 7e art, oui. Et du 9e. On passe du 7e au 9e, mais l'inverse. Exactement. Ça, c'est les mardis soirs à 18h30, également via le CLAP. Alors, Pierre Blais, bonjour. Hey, bonsoir, Raymond. Alors, Pierre, en fait, comme un peu dans les dernières années, j'aime bien profiter de l'occasion pour revenir voir un peu qu'est-ce que d'autres lecteurs assidus ont retenu de 2015. Alors, tu as bien accepté de nous soumettre une liste de 5 titres et quelques mentions. Contrairement au palmarès de cinéma, où souvent quand même, d'une organisation à une autre, les mêmes titres finissent par revenir, que ce soit pour les Golden Globes, que ce soit pour les Oscars, que ce soit pour les BAFTA, ou encore l'Association des réalisateurs, des producteurs à Hollywood. Il y a des titres qui se démarquent. En bande dessinée, il y a 4000 publications annuelles dans le marché francophone. Et lorsqu'on regarde les palmarès, c'est ce que je fais aussi pour m'inspirer, puis pour lire des nouveautés, dont des nouveautés qui quelquefois passent sous le radar. Moi, j'avoue que d'un palmarès à l'autre, souvent, c'est pas du tout les mêmes titres qui ressortent. En fait, ça dépend souvent quel titre justement sur lesquels on a réussi à mettre la main dans cette production-là. Et ben évidemment, le temps de lecture qu'on a, parce que 4000 titres, c'est énorme. Juste en production québécoise, c'est presque plus d'une soixantaine, plus d'une centaine parfois. Moi, je dois lire entre 150 et 175 BD annuellement, quelque chose, peut-être pas loin de 200 même, je dirais. Mais on est loin du 4000. Oui. Donc, parmi celles que j'ai lues cette année, évidemment, il y a l'ensemble des bandes dessinées québécoises, mais aussi des BD étrangères qui m'ont particulièrement plu, qui m'ont particulièrement charmé, dont deux traductions d'auteurs de bande dessinée des États-Unis. La première, c'est l'un de tes préférés. Là, je sais que tu m'obstineras pas là-dessus, Raymond, parce que tu l'aimes beaucoup. On a fait sa découverte ensemble et depuis ce temps-là, on le suit. C'est Durf Bag Durf. C'est sa troisième bande dessinée qui vient d'être publiée en français. Elle se nomme Trash, Trash avec un ED à la fin qui fait référence au vidange carrément. C'est publié à la maison d'édition Ça et Là. Et c'est une grosse bande dessinée de quoi quelques 200 pages au moins. Donc c'est un roman graphique littéralement. Durf Bag Durf, il fait dans le roman graphique. Il fait aussi dans dans l'autobiographie. Mm-hmm. Il nous parle de son passé, sa première bande dessinée, il nous racontait ses années jeunesse où il a côtoyé un tueur en série, Jeffrey Dahmer, sans savoir qu'il deviendrait un tueur en série. Par la suite, il nous a raconté la vie dans un bar dans le bled où il vivait, en Ohio, qui recevait des groupes punk à l'époque où c'était Journey qui pognait dans les stades, mais où il y avait un bar justement contre toute attente qui faisait venir Devo puis d'autres groupes plus underground de l'époque. Et là, on continue finalement, on retourne avec son propre personnage lui-même. Il est rendu à quoi, 21 ans, quelque chose comme ça. Il se trouve un emploi comme vidangeur. Donc, il nous dit dès le départ, il dit, ce que je vais vous raconter, c'est ce que j'ai vécu lorsque j'ai trouvé une job à la ville où j'habitais, comme vidangeur, mais aussi, c'est les témoignages peut-être de d'autres gens qui ont travaillé dans l'industrie. Donc, il a fait une recherche aussi pour alimenter cette bande dessinée-là qu'il avait réalisée voilà des années, mais qu'il a mise à jour récemment pour faire ce gros tome-là de près de 200 pages. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne beaucoup d'humour parce qu'on va rigoler vraiment énormément. C'est des personnages plus grands que nature à certains égards. Là. La gang qui ramasse les vidanges, ils ont tous des personnalités amusantes. Ils sont colorés, très typés également, mais on y croit en même temps. Ça devient pas dans la caricature extrême. Il va rendre ce métier-là. On se doute que ça pue, on se doute que ça va aller mal quelquefois quand ils ramassent, on se doute qu'il y a de la surconsommation, on doute que les vidangeurs vont juger les bourgeois qui mettent plein de choses au chemin puis qui en finissent pas de consommer, de jeter des choses quelquefois qui sont encore bonnes d'ailleurs, qui sont encore utiles. Tous les clichés y passent, mais avec autant d'humour que par moments des moments de tendresse. C'est la grande force de Durf Back Durf, c'est pas juste humoristique de A à Z, il va réussir à beaucoup humaniser l'univers qu'il va nous raconter, c'est encore le cas avec la BD Trash. Oui, en fait, sur une belle continuité, là, ça je te rejoins entièrement. Et si vous connaissez pas cet auteur-là, prenez un de ses trois titres, lisez-le. N'importe lequel. Vraiment, là, en fait, je pense à chaque année, c'est dans nos coups de cœur. Sérieusement, moi, j'avais jamais lu de BD sur le milieu des vidangeurs, et ça vaut le coup, vraiment. L'autre bande dessinée qui est une traduction des États-Unis, c'est une bande dessinée de Ryan Andrews. Je n'ai rien oublié, c'est publié chez Delcourt. C'est sorti un petit peu de nulle part. C'est une BD un petit peu sombre, aussi humoristique, et en même temps que quelque chose de fantastique et de qui nous pénètre peu à peu. Donc, on est dans un univers, si je veux faire un parallèle avec un univers cinématographique, je dirais qu'on n'est pas très loin de Tim Burton. Okay. Il y a peut-être des moments un peu de malaise qui pourraient rappeler Todd Solondz. Mais bref, on est dans l'univers du cinéma indépendant américain, avec toute la magie, les peurs de l'enfance et le côté absurde qu'on pourrait y trouver. Toi, tu l'as pas lu, celle-là. Non, ça, c'est complètement fait. Je n'ai rien oublié, c'est des histoires à sketch. Donc, on se retrouve avec à peu près 5 histoires dans une bande dessinée d'environ 80 pages. Au début, on est dans l'enfance, avec un petit garçon qui se souvient que lorsqu'il était jeune, il y a des oies qui s'étaient retrouvées sur le toit, et les oies vont mourir. Et le père n'est pas content de ce que les enfants vont faire. Donc, il y a toute l'autorité parentale qui vient alourdir l'espèce de deuil que ces enfants-là vont faire par rapport aux oies qui viennent de mourir. Avec, et je tiens à le dire, la bande dessinée au complet est en noir et blanc, sauf que par moment, il y a un peu de rose et par moment un peu de rouge. Le rouge, l'ocre, je te dirais, est associé à la première bande dessinée, celle avec les oies, le premier sketch, si tu veux, la première histoire, et qui est un peu troublant. Et on se dit, est-ce qu'on va naviguer là-dedans tout le long? C'est-à-dire, l'espèce de nos peurs de jeunesse, nos cauchemars et nos angoisses. Je te dis pas que c'est terrifiant, on n'est pas dans Lovecraft, mais on suggère quand même quelque chose de sombre. Et on est en mesure de réussir à bien le suggérer, à bien le rendre, parce qu'il y a un côté ambiance qu'il faut qu'il fonctionne pour que des BD comme ça nous accrochent, là. Oui, tout à fait. Comme tu vois, c'est un noir et blanc très affirmé, très maîtrisé, où il y a beaucoup de mystère. Une autre des histoires, qui celle-là est totalement muette, aucun phylactère, pas de dialogue, rien, et c'est un gars qui est dans son bain. Et qu'est-ce qui va se passer dans son bain lorsque l'eau coule, lorsque l'eau ressort, et lorsqu'on se retrouve peut-être à être, je dirais, presque aspiré par le trou du bain, finalement. Donc, on est dans un univers qui peut être très, très absurde, où on va jouer avec les contrastes, où on va jouer avec les angles, avec l'univers dans lequel le personnage est placé. Un univers qui ne déplairait peut-être pas à Marc-Antoine Mathieu, d'ailleurs, dans ce cas-ci. Une autre des histoires, et je conclue là-dessus, c'est un couple de personnes âgées qui vont vouloir faire pousser des fruits, mais les fruits vont devenir de grosseur démentielle jusqu'à fournir, je te dirais, jusqu'à fournir, il faut pas genre de punch, mais quelque chose d'un peu surnaturel. Okay. Et là encore, il y a une certaine peur qui alimente ça, et on joue beaucoup entre la dichotomie entre l'enfance et la vieillesse, le début de la vie et la fin de la vie. Ça s'appelle « Je n'ai rien oublié », c'est de Ryan Andrews et c'est publié chez Delcourt. Un autre titre que tu m'as lancé, « Olympia ». Oui, tu avais sûrement lu « La grande odalisque ». Oui. Que j'avais beaucoup aimé. Est-ce que c'était ton cas? C'était un de mes coups de cœur de son année de sortie. C'était une bande dessinée de Bastien Vivès, qu'on aime beaucoup. Hein? Il y a eu le fun Vivès. Avec Rupert et Mulot aussi, que ça faisait un bon mélange. Donc, les trois ensemble. Mm-hmm. Scénarisation et dessin, publié chez Air Libre, chez Dupuis, la collection de Dupuis. Et avec le premier tome, La grande odalisque, on se retrouvait avec trois personnages féminins qui faisaient des vols d'œuvres d'art. Donc, on est dans un univers, monsieur les vieilles séries télé, ça prend un voleur, Mission Impossible, chapeau melon et bottes de cuir, mais en version très, très féminine. Donc, un côté James Bond, un côté glamour, un côté Charlie's Angels, mais très années 60, très quart de luxe, très des filles désinvoltes, assumées, qui vivent leur sexualité, qui vivent à fond et qui ne se privent de rien, qui ont peur de rien d'ailleurs. Elles sont très fortes. Elles ont l'art de voler dans des musées, donc ce sont des expertes, mais elles savent aussi combattre, se défiler, etc. Moi, je pensais, en bon québécois, que c'était un one-shot, La grande odalisque. Mais finalement, non, ce n'est pas. On a le droit à une suite avec les mêmes personnages qui reviennent. Et là, ça s'appelle Olympia parce que c'est une toile de Manet que le trio de filles devra voler. Il y a beaucoup de remises en question. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'intrigue, même si elle est intéressante, est secondaire. C'est toute la profondeur des personnages. C'est rare que trois hommes réussissent, je pense, à faire trois personnages féminins aussi forts. J'aurais aimé que cette BD-là soit signée par des femmes. Elle ne l'est pas, mais ça n'enlève rien à la grande qualité. C'est jouissif. C'est du pur bonheur, du pur plaisir. Olympia, aussi bon que le premier. Oui, tout à fait, entièrement d'accord. Sinon, il y a une bande dessinée étonnante. Il y a plusieurs bandes dessinées ces dernières années qui font référence à la perte de mémoire, l'Alzheimer, la sénilité. Dieu sait que ça touche beaucoup de gens. Et il y en a plusieurs qui ont été lancées ces dernières années, dont l'une qui s'appelle « Ceux qui me restent ». C'est de Damien Marie et Laurent Bonneau. C'est publié chez Bambou. Je ne lis pas beaucoup de bandes dessinées chez Bambou, qui est une maison d'édition un peu laissée de côté. Oui, en fait, on a l'impression peut-être par défaut d'avoir l'idée que c'est surtout jeunesse, c'est surtout jeune. T'as raison, mais pas dans ce cas-ci. Exactement. Là, on est dans une BD très adulte, avec un homme qui a 70 ans, qui est en train de perdre la mémoire, qui a perdu sa fille de vue depuis 20 ans, et on va se remémorer justement ses années de jeunesse, et sa fille qui vient le voir et qui vient constater, je te dirais, les dégâts. C'est triste à mourir. C'est triste à pleurer, mais c'est extrêmement touchant. Ça s'appelle « Ceux qui me restent ». Ceux qui sont sensibles à toute cette perte de mémoire-là, aux gens qui vieillissent et qui ne se reconnaissent plus ou qui ne reconnaissent plus leur père, leurs proches, c'est vraiment une surprise pour moi cette année. Sinon, mon dernier titre parmi les cinq que je mettais vraiment en haut de tout, c'est « L'échappée ». C'est publié chez Futuropolis, qui à mon sens, la maison d'édition européenne, la top. Il y a une constante dans la qualité des auteurs et des scénarios et des dessins qu'on met en marché. Oui, puis c'est toujours plaisant. Justement, on dirait que quand ils vont chercher un auteur, ça devient un peu un gage de qualité. Ça donne un bon espoir. Et d'ailleurs, en fait, j'en profite pour mentionner Jean-Sébastien Bérubé, qui, après sa blessure qu'il avait mis au rencard pendant un temps, va réaliser un album chez Futuropolis. Bravo. Donc, bravo à lui. Et ton coup de cœur, Pierre? Grégory Mardon, ça s'appelle « L'échappée ». Pas de dialogue. Un homme, métro, boulot, dodo. Travaille du 9 à 5, a une famille, il est écœuré, il se remet en question. Un classique, tu diras. Il est dans la quarantaine, tout d'un coup. La crise de la quarantaine. Coup de tête, il embarque sur un paquebot. Il y a naufrage, il se retrouve seul sur une île, découvre qu'il y a une civilisation perdue qui s'y trouve, sorte de hippies, de gens qui vivent, je dirais pas sur une autre planète, mais sur une autre île, mais d'amour et d'eau fraîche, qui prennent des sortes de pilules où tout le monde est joyeux, aucun problème, c'est la belle vie, il n'y a jamais de soucis. Et lui, à un moment donné, il va se dire, est-ce vraiment ce que je veux dans la vie? Écoute, c'est magnifique. Sans parole? Sans parole, muette, que des images. On est transporté dans cet univers-là d'un homme désabusé qui va retrouver, je te dirais, le paradis. Mais est-ce un paradis artificiel? C'est ce que vous saurez si vous lisez L'échappée de Grégory Mardon chez Futuropolis. Et question, comment il le rend? Parce que j'ai pas eu l'occasion de lire. Comment on rend justement ça graphiquement? Oh, c'est avec, je te dirais, avec une certaine dose d'humour. Comment dire? Beaucoup de couleurs, beaucoup de... Oui, on n'est pas dans le dessin épuré ici. On est à la limite dans une BD traditionnelle, mais pas du tout dans la BD cartoon. Okay. Donc, on est dans une BD qui, c'est un classique que je te dirais, c'est peut-être parce que je manque de mots, mais la BD qu'on était habitué d'avoir chez Futuropolis comme style graphique. Okay. Et je ne connaissais pas Grégory Mardon. Moi, je sais qu'il en a fait plusieurs bandes dessinées. J'ai fait sa découverte avec lui. Et en terminant, je te souligne que, oui, j'ai aimé le nouveau Michel Rabelliati cette année. Je peux pas laisser le Québec totalement de côté. J'ai aimé le nouveau tome des Nombris de La Fée du Buc. J'ai beaucoup aimé la fin de la trilogie Promise de Michael, qui réside ici à Québec, d'ailleurs, et qui est publié chez Glénat Québec. Ce sont des titres que j'ai aimés. Puis j'ai eu bien du fun avec la suite de Tyler Cross aussi. Ah. Un polar comme il s'en fait peu. La suite du premier tome qui, ça aussi, je pensais que c'était un one-shot, mais non, on a continué avec une atmosphère des années 50, hein, vintage. Moi, j'aime ça, des belles surprises comme ça. On s'attend pas au premier tome, on a adoré l'album, finalement. On nous en ramène un deuxième qui nous fait crouler une nouvelle fois. Ah oui, c'est... tout à fait. Et dans tes mentions, t'avais aussi Carsten Metzen Limler. Effectivement, as-tu lu ça? T'es-tu tombé là-dessus chez Dargaud? Tombé sur le premier tome, pas le deuxième. C'est biographique. Oui. Le deuxième vient bien clair parce que c'est un diptyque, c'est en deux tomes. C'est une histoire biographique où on nous raconte le médecin d'Himmler. Himmler, c'était un des sbires de Hitler. Donc, on nous raconte son médecin, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a été obligé d'être médecin d'Himmler s'il voulait survivre. Mais, dans les services qu'il rendait, il redonnait la santé à Himmler sur ses différents maux, là, ses différentes maladies. Et en retour, il disait, bon, peux-tu me sauver quelques juifs ici et là? Peux-tu me rendre telle faveur? Et Himmler lui accordait. Sauf que des années plus tard, lorsque la Seconde Guerre mondiale était terminée depuis quelques années, on a pointé du doigt Kirsten en disant « t'es un collabo des nazis », alors qu'à l'inverse, il y a eu un peu le même rôle que Schindler. Mm-hmm. Et c'est cette histoire-là qu'on nous raconte dans Kirsten, K-E-R-S-T-E-N, le médecin d'Himmler en deux tomes. Le deuxième est paru à la toute fin de l'année 2015. Alors voilà, c'était les coups de cœur 2015 de Pierre Blais. Je vous rappelle, vous pouvez l'entendre donc sur les ondes de CKRL. Aux deux semaines, les jeudis matins, aux matins éphémères vers 8h15. Et si on a envie de t'entendre parler cinéma, c'est les mardis à 18h30 à chaque semaine dans ce cas-là. Pierre Blais, merci beaucoup. Ciao Raymond. On se dit à la prochaine. Et nous, on repart en musique, toujours avec Christopher Tom. Toujours sur les ondes de CKRL 89.1, l'émission La vie en BD qui se poursuit. Je vous rappelle d'ailleurs que toutes les émissions sont disponibles en balado-diffusion au lavieenbd.wordpress.com. Également, vous pouvez trouver mon blog sur voir.ca/Raymond-Poirier. Et justement, on parle coup de cœur. J'ai le désir de vous partager les miens. De mon côté, j'ai séparé entre les coups de cœur d'auteurs québécois et les coups de cœur d'auteurs étrangers. Alors, côté québécois, trois mentions, d'ailleurs, pour commencer, là, les Nombris de tome 7, un peu à l'image de Pierre. Je pense que c'est toujours très solide, cette série de Laf et Dubuc. Le deuxième tome de C'est pas facile d'être une fille, ça va bien aller, de Bach et White Horse, la première partie de Samuel Quentin, donc trois mentions honorables. Et en matière de coup de cœur, j'en ai cinq. Le premier titre, en fait, dans le désordre, évidemment, là, c'est Far Out, le deuxième tome d'Olivier Carpentier et Gauthier Langevin. Les amateurs de Western qui ont été certes bien servis en 2015, du côté européen avec l'excellent Undertaker, du côté québécois avec le tout aussi succulent Far Out, qui lui choisit de métisser les racines du genre avec de la science-fiction, donc un dessin des paysages, des décors richement exécutés, un ouest futuriste là, vraiment qui est très intéressant à regarder. Au fil des pages, la mythologie imaginée par les auteurs est aussi tranquillement bâtie, des questions, des réponses en route vers tranquillement un punch final. Une série d'abord pensée pour le web qui fait très bellement son passage vers le papier. Autre titre, un peu comme Pierre le mentionnait, Paul dans le Nord, je pense que ça reste personnellement un incontournable aussi cette année en BD québécoise. C'est pas une surprise d'ailleurs, en fait, Michel Rabagliati nous offre toujours du solide. Pour le lecteur, c'est toujours un plaisir de voir un Paul dans la liste des publications à venir. Et pour Paul dans le Nord, eh ben, l'auteur propose un nouveau visage de son protagoniste et de son autofiction. C'est le Paul en crise d'adolescence, irritable, irascible, amoureux. Paul dans le Nord, c'est l'histoire du premier amour et de la première peine d'amour, tout autant qu'une histoire d'amitié entre gars noué autour du sport, de la mécanique et des filles. Donc, un titre qui vaut la peine d'être lu pour replonger dans une histoire dans le Québec de 1976. Autre titre québécois, Ping Pong de Svian chez Pow Pow. Il n'y a pas deux BD comme Ping Pong qui ont été publiés cette année, ça c'est clair. Ping Pong, en fait, c'est un dialogue, un échange, d'abord entre Svian elle-même et elle-même. En fait, le récit original avait été auto-publié il y a quelques années. À l'occasion de sa réédition chez Pow Pow, Svian offre une version annotée de son récit. Question de profiter de l'espace disponible en marge. Alors, s'il faut dire, en fait, c'est un récit sur la nature de la création et de l'accomplissement, sur la passion et le travail. Résultat, ben, l'opinion qui avait été engagée par l'auteur au départ a évolué au fil du temps, elle s'est donné donc l'opportunité de réagir. Et c'est aussi un dialogue entre Svian et des auteurs invités qui contribuent en annexe au récit. Alors vraiment une réflexion à lire, à découvrir. Autre titre, La petite patrie de Julie Rochelot et Normand Grégoire d'après Claude Jasmin. Encore une fois pour le trait de Julie Rochelot qui est tout simplement superbe. J'avais craqué pour son travail sur La colère de Fantômas. À nouveau, je craque pour sa mise en scène, pour son dessin dans cette adaptation de La petite patrie de Claude Jasmin. Un plongeon dans le Québec du temps des années 40, un regard dans le quotidien d'un enfant et de sa bande, d'anecdote en anecdote. Donc, une adaptation qui cible l'essentiel du roman, mise en scène d'abord et avant tout de Rochelot, qui nous transporte, qui réussit à le faire de très belle façon. Sinon, dernier titre du côté québécois, c'est le tome 3 de Promise. J'imagine que l'inclusion ici de ce titre de Michaël et Thierry Lamy n'est pas une surprise. Après tout, j'avais mis le tome 1 et le tome 2 dans mes coups de cœur de fin d'année 2013 et 2014. Ici, le tome 3 mérite une nouvelle fois l'inclusion et ce, sans heurts. Pourquoi? Eh bien, parce que ils viennent terminer de très belle façon cette série, parce que les auteurs ont pris le parti d'aller jusqu'au bout de ce crescendo qu'ils ont mis en place au fil des premiers tomes, parce que le dessin et la mise en scène de Michaël sont toujours aussi maîtrisé, réfléchi, senti, propre à nous faire sentir l'angoisse au fil des planches au gré d'un tome toujours un peu plus sombre, un peu plus gris où la tempête fait souvent rage. Alors ça, c'est mes coups de cœur québécois. Si on va, en fait, je me suis dit, on va faire 5 titres aussi du côté de l'étranger. 3 mentions honorables, si on peut dire, donc Les Équinoxes de Pedroza, Le sculpteur de Scott McCloud et Le rapport de Brodeck, tome 1, l'autre de Manu Larsenet. Mais pour ce qui est des coups de cœur à proprement parler, alors allons-y avec Zai Zai Zai Zai, tout d'abord de Fab Caro. Alors décidément, fait un album BD surprenant, l'histoire d'un auteur qui un beau jour se rend à l'épicerie pour y faire ses emplettes et qui, une fois à la caisse, réalise qu'il n'a pas en main sa carte fidélité. Il a oublié dans l'autre pantalon. Alors évidemment, sans autre moyen, il s'enfuit, s'ensuit une véritable chasse à l'homme au travers d'une France lourdement divisée face à ce méfait. Les uns souhaitent les voir les frontières fermées aux auteurs BD, les autres dénoncent ceux qui dénoncent les auteurs BD. Un ouvrage dynamique, surprenant, amusant, aux fortes tendances absurdes, aux connotations évidentes avec l'actualité, que je vous recommande chaleureusement. Autre titre, Pierre vient tout juste d'en faire mention, Trashed, de Derf Bagderf. Pour moi aussi, en fait, je suis un lecteur, je suis un amateur de ce travail, du travail de cet auteur, de la plume de cet auteur. Punk Rock and Mobile Homes, mon ami Damer avait trouvé ces dernières années leur place dans mes palmarès de fin d'année. Indubitablement, c'est encore le cas pour son dernier né, Trashed, dans lequel, je le rappelle, l'auteur s'inspire de ses années de travail comme éboueur pour imaginer une fiction à saveur quotidienne autour de ce métier. Donc une fiction, un récit riche en anecdotes, fort d'une belle galerie de personnages, un récit qui entraîne joyeusement son lecteur au fil d'une série de journées de travail réparties sur diverses saisons, un regard qui est personnel, qui est chargé d'humour sur ce métier, un commentaire critique également sur nos habitudes de consommation. Autre titre, Joker de Benjamin Adam. J'ai été absolument séduit par cet album, le genre d'ouvrage qu'on commence à feuilleter juste pour voir, qu'on dépose sur la table seulement lorsque celui-ci est terminé, quitte à mettre de côté certaines responsabilités le temps d'une lecture. Un récit qui est riche en rebondissements, raconté à une série de points de vue. Ça montre la vive capacité de scénariste de Benjamin Adam qui entraîne son lecteur sans jamais le perdre, c'est important de le dire, au fil de ce récit à l'allure de montagne russe. Donc le point de départ, je vous le donne, c'est 3 frères qui, en fonction du résultat d'une partie de cartes, échangent leur vie à chaque semaine selon le choix du gagnant, le tout avec un parfum d'adultère et de mort, et c'est un livre à lire absolument. Autre titre, il m'en reste deux dans les coups de cœur étrangers. Alors, Undertaker, le tome 1 et tome 2, en fait, je les mets ensemble, c'est un diptyque, premier diptyque, en fait, cette série de Xavier Dorisson et Ralph Meyer. Alors, si vous aimez les westerns, vous risquez fort bien d'être séduit par cet Undertaker. En un sens, ce diptyque est un retour aux classiques, ceux du cinéma autant que ceux de la bande dessinée. C'est un trait qui est maîtrisé, c'est des choix de mise en scène qui, autant sur le plan du scénario que du dessin, sont en filiation avec les Léon et les Blueberry, tout en gardant un aspect résolument moderne. On met à l'avant-plan un personnage qui, lui, est habitué à vivre les seconds violons ou les figurants, c'est celui du croque-mort, l'anti-héros de Meyer et Dorisson, charismatique et cynique, mis aux côtés de sa petite troupe formée d'une bourgeoise anglaise, d'une servante asiatique. La chimie fonctionne pleinement sur les planches, une histoire qui est riche en action, qui nous donne envie de replonger dans l'Ouest sauvage. Donc vraiment, là, cette série est à découvrir. Et dernier titre de ces coups de cœur, et ça me permettra ensuite de reprendre mon souffle. Alors, c'est Zep, What a Wonderful World. L'autofiction et le bloc BD restent bien présents dans l'univers de la bande dessinée. Et avec What a Wonderful World, c'est le tour de Zep, connu évidemment pour sa série Titeuf, de passer du web vers le pied-à-pied au fil d'une série d'anecdotes et d'instantanés qui font sourire, qui font réfléchir, ou les deux. Une grande variété de sujets, un traitement bien senti, juste assez gentil, juste assez naïf, pour bien servir ce qui est raconté au fil des planches, amplement pour faire que le lecteur ne s'y ennuie pas. On passe de la vie sexuelle des super-héros au passage des années, et à travers tout ça, on se dit que décidément Zep sait manier le style, sait tirer le maximum du ton blog BD, ce qui fait que si vous avez envie de plonger une nouvelle fois dans le genre au terme de 2015, eh bien c'est une proposition qui sera assurément vous satisfaire. Alors voilà pour cette série de propositions. Si vous n'avez pas eu le temps de tout prendre en note, pas de souci, vous pouvez aller faire un tour sur voir.ca/Raymond-Poirier. Tout y est écrit, tout y est spécifié et vous pourrez donc retrouver tout ça. Alors voilà, donc pour mes coups de cœur, on repart maintenant en musique, toujours avec Christopher Tom. On écoute un extrait de son album Blood, Sweat and Christopher Tom, qui s'appelle Silver. Raymond Poirier toujours avec vous jusqu'à 18h30, je le rappelle, votre magazine consacré au 9e art. On est toujours dans la zone des coups de cœur, en fait. C'est un peu une tradition qu'on a ici à l'émission, en commençant l'année. On aime bien faire une première pour regarder ce qui s'est fait, selon nous, de mieux au fil de 2015. Évidemment, quand même, beaucoup de bons titres, beaucoup de titres de manière générale. On mentionnait la statistique et on en reparlera d'ailleurs la semaine prochaine de ce bilan des publications côté francophonie, à tout le moins, avec presque 4000 titres qui ont été publiés. Donc, c'est difficile d'aller tout lire, mais à tout le moins de ce que nous avons réussi à lire. Et évidemment, ben, au fil de l'émission, on en profite pour aller chercher une multitude de points de vue pour aller voir à d'autres sources qu'est-ce qui a marqué l'année de lecteur. Et on essaie toujours d'aller chercher l'opinion de lecteurs assidus de la librairie Pantoute. Marco Duchesne, évidemment, qui collabore à l'émission de manière régulière. L'an dernier, nous avait amené les suggestions de son équipe qui ont décidé, depuis l'an dernier justement, de se créer une nouvelle tradition qui est de partager leurs coups de cœur et de compiler aussi les coups de cœur des libraires spécialisés en BD de la librairie. Et pour nous présenter ce palmarès et les nombreux titres qui s'y trouvent, eh bien, on a le plaisir d'avoir avec nous un des collègues de Marco, libraire également donc chez Pantoute, Édouard Tremblay. Bonjour. Eh bien, bonjour, bonjour. Bonjour à tes auditeurs également. Ça fait plaisir d'être ici aujourd'hui en remplacement, chaussant les bottes immenses de mon collègue et ami Marco. Marco Duchesne. Ou Chaussin Létienne, puisque c'est aussi ton palmarès. Vous êtes trois là-dedans, à peu près? C'est... Oui, en fait, bien sûr, c'est ça. Il y a moi, mon collègue Marco, et ma collègue Anne-Marie. En fait, nous sommes un peu les trois mousquetaires, si vous voulez, de la BD chez Pantoute. Et donc, avec des goûts assez éclatés, assez différents aussi. Oui, tout à fait, très éclectique, en fait, et ce qui nous permet aussi de brosser, dans le fond, un portrait assez large, comme tu le soulignais très bien par ailleurs aussi, 2015 qui a été une année extrêmement riche en très bonnes, en très grosses parutions, et donc je t'avoue qu'on n'a pas trop été de trois pour débroussailler ça, malgré les choix extrêmement difficiles et cruels que ça a imposé. Et fait intéressant, parce que on va commencer, tiens, d'emblée avec un genre sur lequel on s'attarde peut-être un peu pas suffisamment ici à la vie en BD. C'est notre côté d'ombre, si on peut dire. C'est les comics. Vous avez sélectionné trois titres, trois coups de cœur en matière de comics disponibles en français. Oui, tout à fait. Donc, du produit français. Une catégorie de prix, en fait, qu'on a baptisé la catégorie du Shield, évidemment en hommage à l'Institut de Marvel. Et donc, oui, le domaine du comics, en fait, qui cette année aussi a bougé beaucoup. Bon, du côté anglophone, on passera, mais il y a eu des grands bouleversements justement dans l'univers Marvel, mais également du côté francophone, en fait, on a vu de nouveaux joueurs apparaître du côté des Glena Comics, du côté des humanoïdes associés, et qui sont venus, je vous dirais, un peu jouer dans les plates-bandes de nos amis d'Urban Comics, qui d'année en année multipliaient de toute façon les magnifiques publications, et qui se retrouvaient un peu pratiquement en solitaire, en fait, dans nos palmarès, à tout le moins. Et donc là, cette année, eh bien, on voit justement de nouveaux auteurs, de nouvelles maison, fait une nouvelle collection qui arrive et qui frappe très fort. Donc, si tu permets d'emblée, je vais enchaîner tout de suite avec le prix du Shield de bronze, qui lui va à un titre qui s'appelle Sidekick de Mandrake Straczynski chez Delcourt. Sidekick, en fait, qui a une approche assez originale. Bon, Sidekick, pourquoi? Parce que, bien sûr, eh bien, on va s'intéresser non pas à un super-héros, mais à son bras droit. Donc, ça fait un petit renversement de l'habituel. Là. Exactement. Donc, au lieu de se pencher, par exemple, sur Batman, ben là on va du côté de Robin, et je voudrais, c'est un sidekick, en fait, justement un partenaire qui d'emblée va très très mal. Son héros, son modèle est décédé. Et lui-même se retrouve donc abandonné comme ça, à essayer de reprendre le flambeau. Et disons, sans vouloir trop vendre de punch, disons que la reprise de flambeau aura des conséquences assez funestes et amènera de plus en plus là, quelque chose de très très triste de ce côté-là et de très très bien. Donc un côté récit initiatique, si on peut dire, là-dedans, l'apprentissage de l'héroïsme. L'apprentissage, ou même, je dirais, l'apprentissage des limites de ce que peut avoir l'héroïsme et les bonnes intentions, en fait, de ce côté-là. Alors ça, c'est Sidekick. Un autre titre, c'est Bedlam. Oui, Bedlam, chez les humanoïdes associés. Donc, comme je disais, les humanoïdes qui se lancent, en fait, cette année dans le domaine du comic. Donc, Bedlam par Spencer et Rossmo. Un titre qui, d'emblée, je le précise, n'est pas pour les âmes sensibles. C'est très, très, c'est très, très sombre. On va s'intéresser, justement, à un tueur en série qui s'appelle Matter Red. Un homme qui a mis littéralement toute une ville sous sa coupe, extrêmement, extrêmement sadique et cruel. Mais qui va être arrêté et va subir un traitement psychologique extrêmement brutal, extrêmement difficile, mais qui va complètement apaiser ses côtés meurtriers. Et à partir de là, ce type-là va essayer, en fait, de contribuer avec les forces policières locales pour mettre et arrêter, enfin, utiliser son expertise dans le domaine pour essayer d'arrêter un nouveau tueur en série qui est encore plus terrible, encore plus sombre que lui. Et donc, on va vraiment aller, justement, explorer les abîmes, là, de... Et j'imagine dans une dynamique où lui-même a essayé de réprimer ce côté sombre qui doit l'embrasser pour réussir à, finalement, retracer cet autre tueur. Dans une certaine mesure, mais c'est que, le procédé, en fait, de traitement psychologique est extrêmement invasif, là. On est plus, disons, du côté de l'orange mécanique que de se coucher sur un sofa. Ce qui fait que c'est sûr que de ce côté-là, disons, certaines pulsions vont être un peu écrasées. Mais il y a une dynamique extrêmement intéressante, là, qui s'installe, justement, dans tout cet univers. Oui, puis, en fait, ce type de personnage-là, j'ai l'impression, fascine, en fait, autant des séries européennes, je pense au Tueur ou Moi Assassin l'an dernier. Oui, Bedlam, c'est des exemples où on a envie de voir un peu de carburer à l'anti-héros. Ben, tout à fait, oui, l'anti-héros, puis aussi, évidemment, souvent, un comportement, une ligne de pensée qui est tellement hors des barèmes connus, tellement hors du comportement, évidemment, social accepté, que ça crée une fascination comme on a eu une certaine époque pour les gangsters, pour les voleurs de banque, pour les, on a c'est un peu cette disons, cet intérêt, appelons-le un peu morbide, mais quand même quand c'est dans quand un bon scénario fait. Comme ça, c'est quand c'est bien fait. Ouais. et dernier titre oui. Du côté comics, Saturn Bastard, en fait Jason Aaron, qui est un auteur que moi et Marco entre autres on adore, qui nous avait livré il y a quelques années la série Sculpt, qui se déroulait en fait dans le des réserves amérindiennes, vraiment quelque chose qui était très lourd, très poignant. Et donc Aaron, qui maîtrise très très bien ce sud profond avec toute sa misère, avec toute sa pauvreté, et qui donc dans Saturn Bastard va nous mettre ça en place, une petite ville donc où celui qui essentiellement dirige tout, c'est le coach de football, c'est le type qui a toujours un peu de certains plans glauques, certains agendas très déterminés, et qui mène un peu tout le monde par le bout de son nez. Va arriver en fait le fils d'un ancien policier qui revient là, son père qui avait été justement tué à l'époque par ces bandes là très très dures, et qui donc de retour à la maison va se rendre compte ben que les choses ont pas vraiment changé. Le coach a vieilli, mais il est toujours cette espèce d'ambiance très xénophobe, très très fermée, toute cette manipulation. Il est un séraphin poudrier, si ouais. vous voulez, américain là, qui a de tout sur tout le monde, qui a tout le monde dans sa poche, et qui mène les choses d'une manière extrêmement dure. Et que Aaron, justement, cette dureté là, ce côté un peu plus misérable, un peu plus profond, il le maîtrise très très très bien. Il nous l'amène encore une fois de manière absolument impeccable. On change de style après donc ces trois titres, je rappelle Sidekick, Bedlam, Saturn Bastard. On plonge maintenant dans la BD d'action. Donc on fait un pas à côté, si on peut dire. Donc pas très loin, mais de ce côté-là, disons un peu plus à l'européenne en fait. Donc la catégorie Bruce Willis. Le meilleur film de Noël, ça reste Die Hard. Donc. Exactement. Et c'est un peu en hommage aussi à justement Bruce Willis qu'on aime beaucoup, que Marco également aime beaucoup, qu'on a décidé de souligner les BD d'action avec son nom. Cette année, encore une fois, justement, beaucoup de bons trucs. D'abord pour le Bruce Willis de bronze, en fait, un jeune auteur que je ne connaissais pas, que j'ai découvert en fait cette année, qui s'appelle Amazing Amazian, et qui nous est arrivé avec cette BD qui s'appelle Clan chez Le Lombard. Clan qui va s'intéresser justement au milieu du Boryokudan, en fait, du Yakuza japonais. Une histoire très classique, un clash entre la vieille et la nouvelle génération, ancré bien sûr dans tout cet univers très traditionnaliste, très protocolaire du Yakuza, donc, mais avec une approche aussi scénaristique et graphique absolument merveilleuse. Amazian colle beaucoup sur un trait qui rappelle la belle époque de Frank Miller, de Sin City ou de Dark Knight Return, avec cette maîtrise du noir et blanc, un séquençage aussi où les scènes d'action, justement, qui sont ramenées en ombre chinoise, donnent une très, très, très grande intensité. Alors, franchement, Amazian, qui est revenu un peu plus tard cette année avec une BD biographique de Mohamed Ali. Vraiment un bon auteur, un jeune auteur à découvrir, là, absolument exceptionnel. Et un autre en fait qui se retrouvait dans mes grands titres par ailleurs dans mes coups de cœur, Undertaker de Ralph Meyer, Xavier Dorisson, un des meilleurs westerns cette année. Ah, tout à fait, le genre du western qui a repris vraiment un bel air d'aller en 2015, plusieurs beaux titres de ce côté-là, et Undertaker là, qui a vraiment frappé très très fort. Je sais que oui, qu'il n'est pas que dans ton palmarès, c'est le nom, il s'est retrouvé, c'est ça, mais avec raison. Puis j'aime bien l'idée en faire, mais peut-être on sort un premier titre au début d'année, un deuxième titre à la fin de l'année, on n'a pas, il y a moins, on rapproche un peu les échéances. C'est vraiment très agréable d'avoir justement ce, parce que bon, on le sait, des fois un peu, hein, dans le domaine européen, les attentes sont parfois cruelles, sont parfois difficiles. Parfois longues. Et donc d'avoir justement le plaisir de pouvoir tout de suite, oui, se plonger dans une suite comme ça, surtout qu'une histoire aussi bien ficelée, mais évidemment, bon, Dorisson meilleur, hein, c'est ça, c'est des vieux routiers qui n'ont plus à faire leurs preuves. Donc oui, Undertaker absolument magnifique. J'ai eu l'impression en fait de retrouver un peu l'ambiance des Blueberry, de vraiment de la belle époque là, du western BD avec ça. Puis on parlait de belle époque, en fait, vous donnez votre prix hors catégorie action à Bob Moran Renaissance, une belle réinvention de cette série là. À mon avis, c'est effectivement le cas. En fait, bon, comme tous les jeunes garçons, j'ai rêvé mes 11 et 12 ans en compagnie de Bob Moran, en compagnie de Ballantine et de toutes ces histoires qui, à l'époque, évidemment, m'interpellaient beaucoup. Bon, les années sont passées, la nostalgie est restée, mais disons, c'est étiolé si bien que l'approche de Verne m'accroche beaucoup moins qu'elle m'accrochait, même si l'univers reste extrêmement, extrêmement fascinant. Et c'est, je pense, que ce qui est arrivé avec Bob Moran Renaissance, ils ont gardé l'essence de ce qu'était l'univers de Verne, mais l'ont amené dans le 21e siècle, essentiellement, avec une approche, et aussi, je pense, pour peut-être essayer que ce lectorat, qui a lui aussi vieilli, en fait, avec Verne, puisse voir qu'est-ce que donne un Bob Moran plus mature, en fait, plus écrit pour les adultes, avec cet esprit très, très, très traditionnel, mais avec un traitement et un esprit pour les adultes, et ce qui a donné, à mon avis, là, absolument une très, très, très belle réussite avec Bob Moran, Renaissance chez Le Lombard. On passe, on change de style, bande dessinée humoristique, encore là, trois titres qui ont été retenus de votre côté, de l'équipe, donc du côté de l'équipe de Pantoute, je le rappelle. Alors, on commence avec Le Grand Méchant Renard, oui, Édouard Tremblay. Le Grand Méchant Renard, donc, chez Delcourt, le titre, en fait, le dit essentiellement, hein, on reprend l'idée du Grand Méchant Loup, mais là, donc, un renard qui vit essentiellement toutes sortes de petites tribulations, des tribulations très naturelles. Bon, ce n'est pas une zoomorphie quelconque ou tout. C'est vraiment un renard dans la nature. Mais disons qu'à ruser ennemi, ce n'est pas lui justement qui tire son épingle du jeu là-dedans. Et donc on va enchaîner les petites situations cocasses, en fait, autour justement de ces tribulations et des nombreux échecs qu'il a, entre autres, pour se nourrir ou pour essayer de ruser ses proies. Et c'est un titre qui se retrouve d'ailleurs, parenthèse, sur plusieurs palmarès, vraiment, je pense, il y a une belle originalité qui en ressort, qui fait qu'on le remarque, qu'il y a un petit quelque chose, là, de... Tout à fait, aussi bien dans le scénario, mais aussi le traitement, l'image, qui est belle, qui est amusante, qui est des belles couleurs chaudes, et on se marre, en fait, juste à regarder le renard, donc c'est d'habitude un bon signe pour la suite. Autre titre, votre prix argent, si on peut dire, catégorie humoristique, c'est le Astérix, le gros tirage de l'année, le Papyrus de César. Donc, qu'est-ce qui a fait que vous avez accroché sur ce titre-là? Eh bien, évidemment, bon, depuis quelques années, hein, les Astérix qui sortent, ça a toujours été sujet à beaucoup de débats. Beaucoup ont dénoncé un peu le côté un peu plus fantastique, un peu plus merveilleux qu'amenait Uderzo. Déjà, avec Astérix et les Pictes, la nouvelle équipe de Ferry et Conrad, on sentait tranquillement revenir cette espèce de belle époque de Goscinny, Uderzo, des premiers albums. Chez les Pics, il y avait quelque chose. Là, sentait quelque chose qui est en train de revenir, en fait, à mon avis, là, vers cette essence-là très, très, très, très originale, très, très, très, très pure. Et à quelque part, en fait, et ça a été un peu l'unanimité chez nous trois, on a trouvé que celui-là était vraiment le plus bel hommage qui s'est fait, quelque chose qui renouait beaucoup plus, tant dans le dessin, dans le traitement, je pense, des dessins des positions, même de centurions romains qui sont vraiment, on dirait, typiques, là, qu'on revoyait dans les vieux albums du Derzo, la façon aussi dont justement le scénario, l'humour est amené, ces jeux de mots, ces petits clins d'œil, oui, à l'histoire antique, mais aussi ces petits délires à la chronique, hein, qui nous plaisent bien. Et donc, on tenait, malgré justement toute la polémique autour des Astérix ces dernières années, on tenait à ce que celui-là se soit souligné, ne serait-ce que pour indiquer justement aux fans de la première heure qu'on est, à mon avis, en train de revenir vraiment à quelque chose de beaucoup plus proche de ce qu'on aimait là à l'origine de nos Astérix. Et votre coup de cœur humoristique, vous le donnez à Sept Nains. Sept Nains, oui, la série Sept, en fait, qui a produit beaucoup de titres avec, il faut l'avouer quand même, des fois, des qualités inégales, mais quand même quelques trucs parfois assez amusants. D'emblée, donc, pourquoi Sept Nains? Ben, entre autres, parce que l'auteur est Lupano qu'on a complètement, qu'on a adoré, en fait, avec évidemment les vieux fourneaux. Ouais, un océan d'amour aussi. Avec un océan d'amour aussi, mais donc, c'est les ça. Les vieux fourneaux, et Lupano, c'est ça qui l'an passé avec les vieux fourneaux avait ramassé, en fait, pratiquement tous les prix. Ben, je pense à chaque il raconte un peu, il ramasse un peu tout aussi. Là. Le tome 3 qui vient de sortir, qui est aussi très bien salué, peut-être un peu moins par critiquement, ou du moins par dans des prix, mais... Forte chance que sur le 2016, il soit encore en tête des palmarès de Pantoute. Mais donc, avec, bien sûr, c'est ça, Sept Nains, il reprend l'histoire classique de Blanche-Neige et les Sept Nains, mais là, oubliez Disney, oubliez le petit côté charmant. Lupano s'amuse comme un fou. Bien sûr, les sept nains sont tous obsédés par la belle princesse Blanche-Neige et essaient de lui faire des choses qu'on ne pourrait pas dire à la radio. Blanche-Neige elle-même aussi, une séquence, entre autres, qui est justement typique, où elle est en train de faire le ménage et elle déteste ça, en train de torcher les nains, ça la purge au plus haut point. Arrivent ces beaux petits oiseaux qui, dans Disney, se mettaient à chanter avec elle. Eh bien là, au contraire, elle les chasse à grands coups de balai. Venez pas salir ma maison, je veux rien savoir de vous. Et donc, on fait un paquet de clins d'œil comme ça. Donc, Lupano qui reprend le conte, mais l'amène dans toutes sortes de directions, hyper déjantées, hyper amusantes. Une des belles réussites de la série 7 de ce côté-là. On passe maintenant, Édouard Tremblay, à tes coups de cœur, à toi, tes trois coups de cœur personnels, et on va chercher dans différents styles aussi. Là. Oui, également. Bon, j'ai toujours été, disons, un butineur chronique. J'aime bien essayer toutes sortes de genres. Pour le prix du barbare, eh bien cette année, je suis allé vers trois trucs qui m'ont particulièrement accroché. Comme je le disais, il y a eu énormément de choix à faire, mais quand même 4000 publications. C'est ça, exactement. Et donc pour le barbare de bronze, en fait, j'avais particulièrement aimé en fait une nouvelle série, trois volumes de paru jusqu'à présent chez Delcourt par McCann et Cordé. Ça s'appelle Nous les morts. Une utopie en fait, une uchronie dystopique si vous voulez. Où on va vraiment réinventer un peu l'histoire de la Renaissance. Je vous explique grosso modo, je t'explique à toi aussi Raymond grosso modo. C'est donc en Europe, grosse épidémie, une peste en fait qui a changé littéralement tous les habitants en zombies. Si bien que l'Europe s'est arrêtée au Moyen-Âge, son évolution a vraiment plafonné à partir de là. Et elle n'a jamais découvert l'Amérique. Si bien que l'histoire, elle, qui se déroule en Amérique, va s'intéresser à qu'est-ce qui serait arrivé. Alors maintenant, on a les Incas qui ont conquis l'ensemble du continent américain, qui ont fait des Aztèques leur force militaire, qui ont fait des Mayas, si ma mémoire est bonne, de leur force de travail. Et donc, ils vont... eux-mêmes, justement, ils ont développé des technologies très avancées, ils ont des ballons dirigeables, ils ont donc c'est vraiment une grosse uchronie de ce côté-là. Et finalement, en quête de l'Eldorado, bien c'est eux qui vont traverser l'Atlantique pour se retrouver en Europe et donc qui vont se rendre compte que l'Europe, justement, est complètement pris sous le règne des zombies. Et donc, on inverse complètement la découverte de l'Amérique. On l'amène de l'autre côté et on l'amène vraiment d'une manière très élégante de ce côté-là. C'est particulier, effectivement. C'est vraiment, oui, vraiment très iconoclaste. Et c'est un peu pourquoi ça m'a accroché également. C'était unique en son genre. Le dessin est très, très, très, très, très beau. Ça sert magnifiquement l'histoire. Mais oui, l'originalité du scénario a vraiment fait que c'est quelque chose qui se démarque, là, absolument. Édouard, autre titre, Letter 44. Letter 44, donc nos amis, comme je disais, de Glénat Comics, qui sont arrivés cette année avec une foule de bons titres. Ça a été difficile de choisir en fait lequel parmi tous ces titres-là je voulais retenir. J'ai décidé d'y aller avec Letter 44, qui est, à mon avis, un des meilleurs de ceux-là, et qui va justement s'intéresser en fait au président des États-Unis. On est dans une Amérique très très proche de la nôtre et un président sortant qui n'est pas sans faire penser à George W. Bush en fait qui laisse le pays plein de dettes, plein de guerres sur plusieurs fronts. Donc on sent vraiment un peu une Amérique là qui commence à être exsangue et le nouveau président qui lui arrive un peu comme le sauveur qui veut remettre ça sous les rails, eh bien va se faire donner dès son entrée au cabinet par l'ancien président une lettre, la fameuse lettre 44, qui va lui expliquer que toutes ces mesures, ces dépenses là, le côté de la militarisation, que tout cela va être lié en fait à une station orbitale extraterrestre qui s'est développée dans l'espace et qui donc va l'obliger, lui, à décider, va-t-il révéler au peuple américain qu'est-ce qui se passe, va-t-il contacter l'équipe qui est là-bas. Donc, un paquet de questions qui sont soulevées comme ça, c'est vraiment très, très, très bon. Et ton coup de cœur 2015 personnel, c'est Meta Baron. Meta Baron, oui. Je suis un grand, grand, grand fan de l'original, en fait, de la caste des Meta Baron de Jodorowsky et Jiménez. Jodorowsky qui m'avait laissé un peu bon en plan ces dernières années, quelques titres qui m'avaient laissé un peu plus froid, mais j'ai vraiment eu l'impression que là, avec Frissin et ses chairs chez les humanoïdes, il revient, il nous propose en fait une suite essentiellement de la case des métabarons et revient à cette ampleur d'abord qu'on avait dans les métabarons où tout se décline par millions, par milliards, mais aussi ce caractère très cruel des élites qui passent leur temps à écraser les gens. Le personnage aussi du métabaron qui ne fait que, par exemple, se déplacer dans son vaisseau à travers la galaxie qui provoque des paniques intersidérales avec ça. Donc, on retourne vraiment, à mon avis, à ce qui faisait là, les belles heures de la caste des métabarons. Un dessin, du reste, qui rend bien hommage à Jiménez également, qui est vraiment magnifique. Et j'en profite pour mentionner, si les gens n'ont pas le temps de tout noter, ne vous inquiétez pas. C'est sur le site de la librairie Pantoute. Tout on a simplement à s'y rendre. Si vous êtes, si vous nous suivez également sur Facebook, on l'avait relayé dans notre fil ici à la vie en BD. Et puis, si vous rentrez sur place, demandez à un des libraires, vous n'avez pas le temps de noter, ben voici la liste de titres. Bien sûr, ils sont affichés partout aussi, voilà. On est toujours là, donc bien sûr, passez nous voir, ça nous fait toujours plaisir. Et Edouard, on termine avec les coups de cœur unanimes, si on peut dire, de l'ensemble de l'équipe. Vous en avez retenu trois qui convenaient à tous, si on peut dire, tous et toutes. Alors, on commencerait avec Sans pardon. Oui, Sans pardon, Herman, en fait, qui nous revient avec le Lombard, comme je le disais, beaucoup de bonnes BD de Western, en fait, cette année. Sans pardon, un bel hommage à John Ford, à Sergio Leone, une histoire extrêmement sombre, mais traitée de main de maître, les grands espaces de l'Ouest qui sont présentés à travers ça. Parce que quand on se lance dans le Western, aujourd'hui, il faut amener quelque chose, il faut amener le genre ailleurs ou réussir à faire un hommage impeccable, si on peut dire. Ben, parce qu'on a tellement lu et vu. Là. Exactement, c'est sûr que les thèmes du western, on les connaît bien, ils ont été tellement exploités que évidemment revenir avec quelque chose comme ça, ça présuppose une très bonne maîtrise, oui, du scénario, des codes également du western et de ce que ça implique. Herman n'est pas passé à côté, absolument pas. Là, vraiment un chef-d'œuvre de cette année. Votre coup de cœur argent de 2015, Bouffon. Bouffon, oui, donc le mousquetaire d'argent, Zidro. Qui nous a publié deux excellents titres. Bon, Zidrou, évidemment, qui publie toujours d'excellents titres. Mais cette année, qui avait commencé très fort avec les trois fruits qui étaient en tête de palmarès, en fait, jusqu'à l'apparition de Bouffon, qui l'a simplement déplacé. Une adaptation, en fait, pas une adaptation, mais disons, Zidrou, aussi bien avec les trois fruits, va coller sur le conte de fées. Et va nous amener un conte de fées, mais comme ils étaient à l'époque, c'est-à-dire sombres, très, très poignants. Et l'histoire, justement, d'un jeune garçon qui naît dans les geôles, qui a un pouvoir, en fait, assez particulier. Je veux pas trop en dire parce que je veux laisser les gens découvrir le tout. C'est vraiment quelque chose, je vous le jure, qui va vous tirer les larmes d'une belle sensibilité, d'une belle candeur, d'une pureté, là, extrêmement grande. Et en terminant, Édouard Tremblay, je pense qu'en fait, ça reste un incontournable et c'est un cadeau d'avoir un tome 2 de cette série-là après le tome 1 extraordinaire qu'il nous avait offert, c'est Tyler Cross. Tout à fait, en fait, parce qu'on s'y attendait pas. En fait, pour ma part, moi, j'étais certain, bien sûr, que la façon dont Tyler Cross a terminé, que le tout allait se terminer avec ça. Tyler Cross, qui avait été notre grand gagnant, en fait, du palmarès 2013, et avec raison, puisque Nuri et Bruno ont vraiment eu une épiphanie avec ça, un travail qui est absolument renversant. Si bien qu'on s'était dit, jamais on pourra croire qu'ils vont, en fait, répéter l'exploit. Oser même, oui, répéter l'exploit. Et non seulement ils l'ont répété, mais ils ont dépassé, à mon avis, encore une fois, l'excellence qui était déjà incroyable dans le premier, Tyler Cross Angola, un bel hommage à tous ces polars sombres, ces BD, ces romans des années 30, ces côtés gangsters, dans la prison justement d'Angola en Floride. Exceptionnel. Édouard Tremblay, libraire chez Pantoute, merci. Un grand merci, Raymond. Ça a été absolument... très agréable d'être avec toi aujourd'hui. J'ai envie de te dire à la prochaine. Ah ben, j'espère bien. Voilà, nous c'est ainsi, c'est sur ces coups de cœur, je rappelle, 2015 à la librairie Pantoute, qu'on termine cette édition de La Vie en BD. On se retrouve la semaine prochaine avec Marie-Hélène Marcoux qui nous parle de la BD au secondaire et avec Valérie Amirou et Francis Desharnais pour Salomé et les Hommes en Noir. C'est Raymond Poirier au micro. Passez une excellente soirée sur les ondes du 89.1.